La Bible David Martin 1855. Le livre des psaumes. Psaume 1. Bienheureux est l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point au banc des moqueurs, mais qui prend plaisir en la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit en sa loi. Car il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et duquel le feuillage ne se flétrit point, et ainsi tout ce qu'il fera, prospérera. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point en jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra.